L'autopsie de la victime avait révélé une mort provoquée par un arrêt cardiaque à la suite d'un impact au niveau du thorax, un résultat compatible avec le tir d'un projectile de type flashball. Coup dur pour votre portefeuille en plein chassé croisé des vacances, le prix des carburants continue de flamber, plus 11 centimes pour le litre de samplon 95, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause, la hausse du cours du baril de pétrole, pas de baisse attendue avant le mois prochain. Et puis coup de chaud, cette fois sur la planète, la moyenne de la température mondiale relevée au mois de juillet a battu tous les records. 16,95 degrés, tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon les données de l'agence européenne Copernicus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente journée. Infomag, Infomag, le magazine de la rédaction. Et c'est la suite de cette édition. On poursuit encore jusqu'à 12h30 cette Infomag, heure à laquelle vous retrouverez le grand journal. En attendant, nous parlerons du festival Manche Camion qui va avoir lieu ce week-end à Panso. Nous jetterons également un petit coup d'œil sur la météo, mais tout de suite, on poursuit avec les titres de l'actualité locale. Que se passe-t-il dans vos communes ? Et les titres du journal du centre, tout d'abord, le Morvan à l'honneur dans le journal du centre du jour, et notamment ses six lacs, les Sétons, Pensières, Saint-Agnan, Chaumson ou encore Chambou et le lac du Cressant. Tous représentent un aspect hydrique mais aussi touristique important. Tour d'horizon dans le fait du jour avec l'histoire de ces lacs et de leur création. Comice de Château-Chinon, 3 jours de festivités à compter de vendredi autour du thème « Contes et légendes du monde entier ». Au programme, un marché fermier vendredi après-midi avec animation musicale en soirée. Samedi, place au traditionnel concours de labour à Saint-Hilaire-en-Morvan. Une mini-ferme sera installée ainsi que des démonstrations de battage à l'ancienne. Puis en soirée, le concert du groupe Auvergnat Oisou, suivi d'un bal animé par un DJ. Le point d'orgue de ce week-end sera dimanche. Au programme de la journée, un défi de tracteurs anciens et pompiers après la messe. Puis dans l'après-midi, le défilé des chars qui, en fonction de la météo, devraient faire 2 boucles avant de s'arrêter en centre-ville. La journée se terminera au gymnase avec food truck et bal gratuit. Et puis, en toute fin de comice, un feu d'artifice. Tourisme et handicap, une association créée en 2001 pour favoriser le libre accès aux loisirs, vacances et culture aux personnes en situation de handicap. L'objectif est donc de rendre accessibles les sites touristiques, repérables grâce au logo Tourisme et Handicap délivré par l'État. 4000 établissements sont aujourd'hui labellisés. Localement, le musée de Bibracte a été le premier à obtenir ce label, c'était en 2003. On compte aujourd'hui 10 d'établissements. Dans le Morvan, nous pouvons aussi citer la Maison des Roseaux à Mou en Morvan, un gîte meublé, le sentier de la nature du petit lac de Pensières ou encore le domaine de Velotte à Brassy avec ses 14 chambres, un label qui s'avère être un véritable atout pour le tourisme. À Corbigny, la 31e édition des fêtes musicales de Corbigny a débuté dimanche soir à l'abbaye de Corbigny, avec comme nouveauté cette année l'installation tout au long de la semaine des artistes. Ils se produiront quasiment tous à tous les concerts. Des moments de rencontre en dehors du festival vont également avoir lieu. Le concert d'ouverture a été bien suivi et ça continue demain mercredi. À noter également le concert délocalisé à Gacogne. À noter aussi que l'assemblée générale de l'association Les Fêtes Musicales aura lieu vendredi à la mairie. Nuit des étoiles, 33e édition. Pour l'occasion et comme chaque année, l'association Les Pléiades 58 propose 2 soirées d'observation des étoiles, les 12 et 19 août à partir de 21h30 sur le stade à Four. Des télescopes seront mis à disposition des participants qui pourront également profiter des connaissances de Joël Desjours, président de l'association. À Saint-Honoré-les-Bains, grand marché gourmet et gourmand ce samedi 12 et dimanche 13 août. 35 exposants vont ainsi s'installer dans le parc thermal. Il sera aussi possible de trouver de nombreux produits de bouche, mais aussi de l'artisanat. Possibilité de se restaurer sur place. Et puis un petit mot sur la caravane du sport de la DES 58. Elle sera de passage demain par Châtillon-en-Bazois de 10h à 17h. Une animation sportive en direction des enfants de 3 à 16 ans, gratuite. Les participants pourront découvrir des activités originales sur le thème cette année des Jeux Olympiques. Voilà, des titres à retrouver dans le journal du centre du jour. Et puis dans le reste de l'actualité, on parle de cette semaine estivale du don du sang. La solidarité vous fait voyager, nous dit l'EFS. Du 14 au 19 août, les 8 maisons du don de Bourgogne-Franche-Comté se transforment et vous transportent le temps d'un don. Chaque été, l'établissement français du sang rappelle ainsi l'importance du don du sang, un geste irremplaçable du fait de la courte durée de vie des produits sanguins, 42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes, et auxquelles aucun traitement ni médicament ne peut se substituer. La belle saison est également synonyme de jours fériés, d'absence de collecte en entreprise ou en milieu étudiant. Il est donc primordial de se mobiliser encore plus à d'autres occasions pour compenser ce manque. 600 dons étant nécessaires chaque jour dans la région pour renouveler l'expérience de dons de ceux qui tendent le bras habituellement et inciter tous les autres à en faire de même. L'EFS régional met en place depuis presque 10 ans une semaine estivale dans ses maisons du don, occasion donc de sauver des vies en toute décontraction. À Nevers, cette semaine du 14 au 19 août, vous partirez en Espagne suivre des rythmes endiablés, des guitares et des pas de flamenco. On parle également de la 46e foire nationale des reproducteurs ovins de Decize qui aura lieu le 15 août de 8h30 à 13h à la Pointe des Halles au bout de l'allée Marcel Merle à Decize. Chaque année, environ 250 béliers de 10 races différentes concourent pour le classement sur ascendance qui valorise ainsi le travail des 30 sélectionneurs présents. Et puis enfin, l'association de sauvegarde du patrimoine Lormois propose un concert le 19 août à 16h30 à l'église Saint-Alban de Lormes, un concert qui sera donné au profit du petit patrimoine de la commune. Que se passe-t-il dans vos communes ? Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. La suite de l'Infomag, c'est avec la page météo et c'est juste après ça. L'eau est une ressource précieuse, indispensable pour notre santé, notre économie et nos écosystèmes. Les épisodes de sécheresse, amplifiés par le dérèglement climatique, la mettent sous tension. Cette année encore, les ressources en eau disponibles sont basses. Le niveau des nappes phréatiques est bas. Nous devons donc tous faire attention à notre consommation d'eau. Collectivités, particuliers, agriculteurs, industriels, chaque geste compte. Préservons nos ressources. Rendez-vous sur préservonsl'eau.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Préservons l'eau. La minute info sécheresse. Nos nappes phréatiques sont basses. Nous devons tous faire attention à notre consommation d'eau et encore plus pendant l'épisode de sécheresse. Bonjour Francis Garrido. Vous êtes directeur eau et environnement au Bureau des recherches géologiques et minières. Il existe différentes sortes de sécheresses. Lesquelles ? Alors, il existe trois types de sécheresses. La sécheresse météorologique, qui correspond à un déficit prolongé de précipitations. La sécheresse agricole ou la sécheresse des sols, qui résulte d'un manque d'eau disponible dans le sol. Et la sécheresse hydrologique, qui correspond à un déficit de débit des cours d'eau et d'eau dans les nappes avec des niveaux qui peuvent être bas à très bas dans les eaux souterraines. Est-ce que le changement climatique a une influence sur les épisodes de sécheresse ? Le changement climatique a une influence significative puisqu'il peut aggraver les conditions de sécheresse, et rend les épisodes de sécheresse plus fréquents, plus intenses et plus longs. On peut avoir aussi les modifications de précipitations, donc un déficit de pluie qui tombe. Alors même si nous avons des épisodes de pluviométrie souvent courts et intenses, ça ne contribue pas à recharger significativement les eaux souterraines puisque la recharge qu'on appelle efficace des réserves en eau dans le sous-sol se réalise pendant l'hiver sur des périodes longues et de cumuls intenses d'eau qui tombent. En dehors de cette période-là, les pluies vont humidifier les sols, profiter plutôt à la végétation et ça ne contribue pas à combler le déficit de recharge des eaux souterraines qu'on a pu accumuler pendant l'hiver. Collectivités, particuliers, agriculteurs, industriels, chaque geste compte. Préservons nos ressources. Rendez-vous sur préservonsl'eau.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Et on jette un coup d'œil sur la météo avec un après-midi plutôt agréable qui est annoncé par Météo France. Quelques nuages sont toujours présents, un très léger vent nous accompagne également, mais le soleil devrait faire de belles apparitions avec des températures qui commencent à se réchauffer. On attend 21 degrés cet après-midi à Château-Chinon et Monceau, chez Sétons, 22 degrés du côté de Châtillon en Bazois ou encore Luzy, 23 à Corbigny et du côté de Nevers, on aura 34 degrés cet après-midi à Decize. Demain, mercredi, eh bien, le soleil devrait briller généreusement et le ciel devrait être complètement dégagé avec des températures comprises entre 16 et 17 degrés dans la matinée et entre 23 et 27 degrés dans l'après-midi. Et puis, si on jette un petit coup d'œil sur le reste de la semaine, le ciel pourrait se couvrir légèrement jeudi, mais les nuages resteront inoffensifs et les températures seront revues à la hausse. On attend entre 25 et 28 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, c'est un temps encore estival qui nous attend. Quelques nuages seront présents, mais c'est le soleil qui devrait dominer avec des températures encore en hausse jusqu'à 30 degrés à Luzy, vendredi après-midi, 29 du côté de Nevers et 26 degrés en moyenne sur les hauteurs Morvandel. Et pour la météo de ce week-end, si on jette d'ores et déjà un petit coup d'œil, une petite perturbation pluvieuse pourrait traverser notre département, apportant quelques averses, donc dans un climat eh bien, qui reste stable et de saison. On attend entre 25 et 27 degrés samedi après-midi et puis pour la journée de dimanche, après une matinée plutôt calme, un épisode orageux pourrait traverser le département avec la possibilité d'averses orageuses, mais tout cela a encore le temps d'évoluer. Nous y reviendrons. Et puis nous vous le disions tout à l'heure, on parle de la deuxième édition du Festival des Manches Camions. Il débutera dès ce jeudi 10 août avec un concert et la cuisine nomade qui lancera le festival. Il va se poursuivre le vendredi 11 août et le samedi en présence de 8 food trucks et avec 6 concerts sur ces deux soirées. Une douzaine d'animations sont prévues le samedi après-midi 12 août et un marché terroir toute la journée vous permettra de découvrir de nombreux produits du côté des animations. Il y en a pour tous les goûts, des animations artistiques, on parlera de sculptures de pommes de terre, notamment des animations sportives avec de l'escalade ou encore du cirque. On en parle plus précisément aujourd'hui avec Pascal Bernard, président de l'association Le Barrage à Panso. Pascal Bernard, bonjour. Bonjour. Eh ben merci d'être avec nous aujourd'hui, contente de vous retrouver pour prendre un peu des nouvelles de la ZAD de Panso. Comment ça se passe cet été 2023? Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Par rapport au temps qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, oui, on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien avec les soirées. On a quand même, en général, pas mal de monde, donc on est assez content. On rappelle un petit peu ce lieu, ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, je vous explique. Je rappelle que la ZAD se trouve à Panso, alors la ZAD du barrage, et oui, la ZAD, ça veut dire zone d'animation décalée. C'est aussi une zone à défendre, pourquoi pas, mais c'est surtout une zone d'animation décalée. Et cet espace nous permet de mettre en place un certain nombre de concerts tout au long de la saison estivale, de faire des animations, de proposer des soirées jeux, des soirées tarot, belote, poker, etc. Et puis d'autres animations sous forme de théâtre. Et prochainement, dans quelques jours, nous allons mettre en place un festival de food truck qui s'appelle le Festival des Manches Camions. Voilà en résumé. Alors c'est très original ce festival de food truck. Comment elle est née cette idée? C'est né d'une conversation avec un partenaire qui est assez bien connu dans le Morvan, puisque c'est un food truck morvandiaux qui s'appelle la Cuisine Nomade et puis qui est à nos côtés depuis très longtemps, depuis quasiment le début de la création de cette association Le Barrage qui a été créée en 2011 maintenant. Et voilà, et puis en discutant avec Coraline et son compagnon qui sont à la tête de la Cuisine Nomade, on a imaginé un jour, il y a quelques années, mettre en place un festival de food truck, mais qui se veut surtout mis en place pour faire découvrir aux gens d'autres cultures, d'autres cuisines. Il y a aussi des food trucks, on va dire, assez traditionnels, hein, pizza, burger, mais il y a aussi d'autres cuisines qui sont venues s'ajouter. Donc c'est notre deuxième festival, puisque le premier a eu lieu en 2019. À cause du Covid, on n'a pas le mettre en place à nouveau et donc on reprend l'initiative cette année. Avant de parler de cette édition 2023 justement, quel était le bilan de cette édition 2019? Ah, très bon. Excellent, ce qui nous a donné justement envie de recommencer, c'est que nous avions imaginé qu'il y aurait évidemment du monde, on espérait, mais on a été surpris par le nombre de personnes, de visiteurs qu'on a pu avoir sur ce festival. Donc on espère qu'on atteindra le même le même niveau de fréquentation cette fois-ci. Voilà, notre formule avait visiblement beaucoup plu, donc on a recommencé. Alors, il va se passer plein de choses en cette fin de semaine. On va peut-être déjà commencer par ceux qui sont à l'honneur hein. Ce week-end-là, ce sont les food trucks. On peut peut-être faire une petite présentation de ces food trucks qui seront présents. Bien sûr, nous allons accueillir 8 food trucks, 5 qui vont proposer des mets salés et 3 en sucré. Donc évidemment la cuisine nomade pour commencer, partenaire voilà comme je l'ai dit tout à l'heure historique de l'opération. On a un camion pizza, je vous en ai parlé aussi, c'est Célipides qui est plutôt sur 2-6 d'Orne dans ces coins-là. Le petit Creuve sur la partie burger, Catherine qui va proposer une cuisine créole. Ensuite on a le Rajasthan qui est plutôt une cuisine indienne. Voilà pour la partie salée et puis en sucré on a les Power Cheese, alors je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est un dessert hollandais qui ressemble à des petites crêpes, excellent. L'étoile Les Bio, qui est de la ferme du pressoir sur Ourouer et qui va proposer des crèmes glacées. Et enfin, la Casbah, qui est une association que je pense pas mal de gens commencent à connaître sur l'Uzi notamment, et qui va nous proposer des desserts qui sont fabriqués à base de produits africains essentiellement. Ça donne l'eau à la bouche tout ça, hein ? On espère. Alors, ils vont être présents tout au long de ce week-end. Comment ça va se passer ? Alors, presque. La soirée du jeudi, c'est la soirée de notre partenaire. C'est la soirée de la cuisine nomade. C'est eux qui prennent la main. Et jeudi soir, ils proposent, donc ils seront seuls à faire food truck ce soir-là. Et ils proposent un concert avec le groupe Vagabondance. Donc, c'est un bal en acoustique avec des musiques plutôt swingantes et valsantes, on va dire. Donc ça, c'est jeudi soir. On va commencer en douceur. Le vendredi soir, ça va monter un peu d'un cran en termes de nombre de food trucks, tous ceux que je viens citer. Et on aura surtout, sur cette soirée-là, 3 concerts, 3 intervenants, un jeune rappeur nivernais, CMR, le groupe Jagas, qui, pour ceux qui ne savent pas, a fait quand même les premières parties de Tiefen, de La Rue qui est à nous. Donc c'est un groupe qui tourne, on va dire, au niveau national, voire même à l'international. Donc un groupe de rock quand même très réputé. Et puis on finit la soirée avec un professeur Violet, qui est notre DJ set, DJ de la soirée, pour finir tranquillement, enfin peut-être pas tranquillement justement. Oui, en tout cas pour terminer la soirée à partir de 23h. Oui. Tout à fait. Et puis on poursuit et ça monte encore en puissance le samedi, puisque le samedi on a à nouveau 3 concerts et à nouveau tous les food trucks, mais cette fois-ci les food trucks seront présents toute la journée. Ils seront présents le midi et le soir, tous. Et puis le soir on finit avec à nouveau 3 concerts, un groupe de Chiliens qui s'appelle Matadero Estadio, une fanfare béninoise qui s'appelle Eyo Nele, et puis à nouveau le professeur Violet pour finir en beauté. Voilà pour la partie festive. Alors le samedi, on a aussi une journée d'animation. Oui. Voilà, on va proposer tout au long de l'après-midi un certain nombre d'animations qui prendront la forme d'ateliers de création, de bijoux, de vannerie. On aura du feutrage de laine, des ateliers de création à base de fleurs séchées, de fleurs et d'herbes séchées. On aura aussi de l'initiation un peu plus sportive, du cirque, du jonglage, de l'initiation escalade avec un autre partenaire historique de notre association, c'est Morvan Oxygène, qui va venir faire aussi une initiation escalade. Des initiations et des courses de canoë, si on est assez nombreux, normalement ça devrait le faire, sur le canal. Et puis, un intervenant qui va nous proposer des jeux traditionnels en bois, avec une thématique jeu du monde. Et on espère pour tout le monde. Voilà pour la partie activité ludique et sportive. Et puis, on a toute une partie création artistique aussi. Création de graffiti, du mixage. Toujours avec le professeur Violet qui va rester vraiment pratiquement tout le temps avec nous du coup. Et puis, quelque chose d'assez original, on va proposer de la sculpture de pommes de terre. Oui, ça c'est original, effectivement. Avec le célèbre professeur Amidon. Le célèbre professeur Amidon, pour rien nous cacher, c'est quelqu'un qui est membre de l'association et qui a trouvé très rigolo qu'on le rebaptise comme ça. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, fait faire de la sculpture de pommes de terre. Alors ça sera même avec les pommes de terre de la ZAD, puisque nous avons un jardin partagé et nous avons fait nos propres cultures de pommes de terre. Voilà pour la partie animation. Et puis pour terminer sur cette journée du samedi, toute la journée de 10h à 18h, on a un marché de producteurs avec une quinzaine de producteurs qui seront présents, producteurs, artisans, créateurs, etc., qui seront présents aussi et qui vont aussi proposer des animations et des ateliers au cours de l'après-midi. Mmh. Bah, ça s'annonce vraiment un beau week-end. Hein. On espère. Oui. On espère que les gens viendront nombreux. On sait qu'il y a beaucoup de choses en même temps que nous. Et je pense que c'est très complémentaire à ce qui se passera aussi sur Château. Il y a un comice, on le sait très bien. Mm-hmm. Il y a aussi des choses qui se passent sur Saint-Honoré-les-Bains. Donc on n'est pas les seuls, mais on sait aussi que ce que nous proposons est totalement complémentaire aux autres actions qui sont proposées. Et on souhaite à tout le monde d'avoir autant de monde que nous. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des réservations? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Comment ça marche pour les informations pratiques? Toutes les animations et tous les concerts sont gratuits. L'entrée est libre. La seule chose qu'on paye, c'est évidemment pour se restaurer auprès des food trucks. Et ceux qui veulent faire un don, on aura des boîtes à dons pour l'association qui seront réparties. On espère évidemment que les gens seront suffisamment contents de leurs activités sur cette ZAD pour nous laisser quelques pièces qui pourraient nous permettre de poursuivre l'aventure et de la renouveler les années prochaines. Pour les ateliers, pour revenir un petit peu sur les ateliers, le public est visé, les petits, les grands, tout le monde peut participer? Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. On va dire que chaque artisan qui va proposer des ateliers va s'adapter aussi au public qu'il aura devant lui. On sait que sur la vannerie, il y a des choses qu'on peut faire à des tout petit, et puis d'autres où ça va être plus compliqué et ça risque de demander un peu plus d'extérité, et donc ce sera plutôt pour les plus grands. Donc voilà, chaque visiteur devrait y trouver son compte. Les jeux en bois, c'est aussi pour tout le monde. Voilà, vraiment, l'initiation escalade, c'est plutôt pour les ados, mais rien n'empêche un adulte de tenter le coup. Voilà, donc normalement tout le monde devrait se faire plaisir. Et bon, on va inviter très nombreux nos auditeurs jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 août, donc pour ce festival des manches-camions, festival de food truck avec toutes ces animations. Et si on jette un petit coup d'œil sur la fin de l'été à la ZAD du barrage à Panso, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on en profite, oui, à la ZAD de Panso, aux ZAD du barrage, on reçoit le groupe Mélimélo pour une soirée de jazz le samedi 19 août. La veille, on fait un tournoi de poker. Voilà. Bon, alors sans grande ambition, et c'est essentiellement pour s'amuser. Et puis on continue le samedi suivant avec le groupe Rainer Club Family Dead. Donc ça, c'est le samedi 26 août à partir de 19h. Donc ça, c'est le repas traditionnel ZAD qu'on peut proposer avec une assiette locale avec à base de produits locaux. Et puis à 21h, donc il y a ce groupe de rock folk qui va venir presque clôturer notre saison. Pas tout à fait, parce qu'on a encore une date. La dernière date, ce sera pour faire venir le théâtre de l'Accalmie. Donc c'est une pièce de théâtre, on finit avec du théâtre le 2 septembre, avec la pièce qui s'appelle Paysan hors contrôle, et c'est le samedi à partir de 19h. Alors il y a toutes ces dates, mais on peut venir entre-temps, hein, hors de ces dates, pour venir passer un petit peu de temps, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr, la ZAD, elle est ouverte et accessible à tous librement, donc on peut se poser. Alors, notre buvette n'est pas ouverte en permanence, on ouvre que pendant les animations, mais la ZAD, elle est ouverte à tout le monde, et quand on passe sur Panso, si on veut emmener ses enfants s'amuser, il y a des parcours de VTT, il y a un petit parcours d'acrobranche, d'initiation acrobranche qu'on a créé nous-mêmes. On a la possibilité éventuellement de louer des canoës et des pédalos et des paddles, mais ça, il faut nous prévenir avant par mail à lebarrage58@yahoo.fr. Et puis voilà, on peut se poser, pique-niquer et profiter des installations qu'on a mis en place depuis maintenant un an et demi. Ouais, et on est dans un petit cadre vraiment très sympathique, hein, faut le dire. On essaye de le rendre le plus sympa possible, mais il était à la base déjà très sympathique, oui. Avec de l'eau, avec de la nature, des arbres, une petite forêt. Enfin voilà, c'est un peu assez bucolique et très calme en même temps, sauf les soirs de concert. Et oui, mais il en faut un peu pour tout le monde, effectivement. Mais en tout cas, voilà, on va inviter nos auditeurs à venir découvrir ce lieu si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous voulez rajouter un petit dernier mot pour conclure? Voilà, vous dire qu'on vous attend nombreux pour notre festival, pour nos autres soirées, et qu'on se fera un plaisir de vous accueillir à la ZAD du barrage. Voilà, les membres sont tous prêts et impatients d'accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux visiteurs sur notre espace. À bientôt donc. J'espère que ce message aura bien été entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, Pascal Bernard à l'instant pour l'association Le Barrage à Panso et la ZAD du Barrage, zone d'activité décalée. La deuxième édition du festival des manches camions, c'est donc ce jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 août. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité du programme sur une page Facebook dédiée Festival Manches Camions. Les forêts ont vraiment un impact important sur le climat ? Quels sont les atouts des emballages en bois ? Pourquoi le bois est utilisé dans de nombreux bâtiments pour les Jeux Olympiques 2024 ? Entre vous et moi, on se pose tous des questions sur le bois. Écologique, économique, naturel et esthétique, apprenons à mieux le connaître. Pour tout savoir sur la gestion durable des forêts et les multiples usages du bois, rendez-vous sur le site franceboisforêt.fr. Une campagne d'information de France Bois Forêt et de l'Institut National de la Consommation. Le bois, les forêts et nous, la Minute Info. La question de Marie, 40 ans. Quel est le rôle des pépiniéristes pour améliorer la santé de nos forêts ? La réponse de Samuel Lemonnier, pépiniériste. Bonjour Marie, le rôle des pépiniéristes forestiers, c'est de fournir des jeunes plants forestiers de qualité pour assurer deux choses importantes, c'est à la fois le renouvellement des forêts et puis aussi l'adaptation des forêts au changement climatique. Les pistes de recherche d'innovation et d'amélioration, en fait, elles sont de deux ordres. Donc, c'est pour à la fois améliorer les graines et les plants. Donc, on va améliorer d'une part la qualité des plants qui résistent mieux au changement climatique. Et l'autre point, c'est aussi de réfléchir quelles nouvelles essences on peut aussi introduire en forêt pour que la forêt puisse mieux résister, mieux s'adapter. C'est de diversifier le plus possible finalement les essences qui sont mises. Alors il y a une diversification qui est là pour la biodiversité et puis il y a une diversification aussi qui est là pour faire que les forêts puissent mieux s'adapter au changement climatique en mettant des essences qui vont pour certains endroits mieux résister aux sécheresses. Face au changement climatique, l'objectif des pépiniéristes forestiers est de fournir une palette végétale la plus large possible pour offrir aux forestiers un large choix d'essences qu'ils auront à planter ensuite dans nos forêts. Pour tout savoir sur la gestion durable des forêts et les multiples usages du bois, rendez-vous sur le site franceboisforêt.fr. Une campagne d'information de France Bois Forêt et de l'Institut National de la Consommation. Et la suite de cette chronique, bien sûr, dès demain. En attendant, on termine cette Infomag avec le programme télé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été à l'écoute, comme chaque jour, du 95.8. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, dès demain. Très belle fin de journée à tous. Retrouvez sur Radio Morvan les programmes télé de votre soirée. Bonjour, au programme de votre soirée télé de ce mardi 8 août sur TF1, The Voice Kids, début des battles de la saison 9 présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferry. Et sur France 2, Laissez-vous guider, magazine sur le thème La France gallo-romaine. Stéphane Bern et Laurent Deutsch embarquent petits et grands dans un voyage extraordinaire plus de 2000 ans en arrière, au temps des Gaulois et des Romains. Sur France 5, Les routes de l'impossible, documentaire sur la thématique Népal face aux précipices. Sur M6, Zone interdite, magazine présenté par Ophélie Meunier sur le thème gastronomie, chaleur humaine et tradition. Pourquoi le Nord est-il si populaire ? Sur TMC, 90 minutes enquête, magazine présenté par Tatiana Silva sur le thème un été de folie et sur la côte belge. Sur France 3, Face à Face, téléfilm. Et puis sur TFX, Sale Gosse, comédie. Alex se retrouve moniteur d'une colo très particulière. Au lieu d'enfant, il doit s'occuper de retraités. Très belle soirée télé à tous. Fréquence Morvan, avec vous 24 heures sur 24. Radio Morvan à Château-Chinon vous offre l'heure. Il est 12h30, le grand journal. Ah, bonjour à tous. La Coupe du Monde féminine de football à la une ce midi. Les Bleus affrontent à 13h le Maroc en 8e de finale. Un adversaire de taille pour les Françaises, vous l'entendrez. L'autre actualité du jour, c'est aussi le Conseil d'État qui examine cet après-midi le référé des soulèvements de la terre. Le collectif écologiste conteste sa dissolution. Et puis des distributeurs de billets dans les bureaux de tabac. Le dispositif est expérimenté chez une vingtaine de buralistes. Objectif, permettre aux clients de retirer de l'argent dans un lieu sécurisé. Défaite interdite pour les Bleus au Mondial féminin de football. L'équipe de France affronte le Maroc cet après-midi en huitième de finale. Après un premier tour plutôt maîtrisé, le sélectionneur tricolore Hervé Renard s'attend à un match difficile du même calibre que celui face au Brésil en phase de poule. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer. Avec une seule idée en tête de se qualifier pour le prochain tour. C'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil. Voilà, un match de haut niveau où cette équipe marocaine est capable de se projeter très vite, un peu comme l'était cette équipe du Brésil, avec des joueuses techniques qui vont vite dans la profondeur. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques. On sait à quoi s'attendre. À nous de répondre de la même façon qu'on a répondu contre le Brésil. À France-Maroc, coup d'envoi donc prévu à 13h à Adélaïde en Australie. En cas de qualification, les Bleus affronteraient l'Australie samedi. Dans l'actualité également, 5 policiers du raid de Marseille placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Mohamed lors des émeutes survenues dans la cité phocéenne début juillet. D'après l'autopsie, la victime de 27 ans serait décédée à la suite d'un tir de flashball. D'autres policiers du raid seront interrogés aujourd'hui par l'IGPN, la police des polices. La première étape de la bataille judiciaire entre les soulèvements de la terre et le gouvernement aujourd'hui. Le mouvement écologiste est attendu à 15h devant le Conseil d'État pour demander la suspension de la dissolution prononcée en Conseil des ministres le 21 juin. On le rappelle, le gouvernement considère que ce groupement incite à la commission de sabotage et de dégradation matérielle, y compris par la violence, suite aux affrontements survenus à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres en mars dernier. Des arguments que contestent les avocats, Jeanne Biard. Oui, les soulèvements de la terre considèrent de leur côté que leurs appels à la désobéissance civile ne constituent pas des provocations à la violence. Ils soulignent également la multiplicité d'organisations à l'origine de la mobilisation à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Les avocats contestent aussi la qualification même de groupement de faits qui justifie la dissolution. Selon eux, les soulèvements de la terre sont un courant de pensée fondé sur un vaste mouvement dépourvu de dirigeants comme de membres identifiés. Plus largement, ils estiment que cette dissolution constitue un dangereux précédent qui porte massivement atteinte aux libertés d'association et d'expression. Et le référé suspension examiné aujourd'hui est une procédure d'urgence. Un recours sur le fond devra ensuite être examiné par la justice et statuera définitivement sur cette dissolution. Autre groupe qui risque de disparaître à la demande de Gérald Darmanin, le groupuscule Civitas. Le ministre de l'Intérieur a aussi demandé à sa dissolution après des propos jugés antisémites d'un essayiste lors des universités d'été de cette association catholique extrémiste. C'est encore un coup dur pour notre portefeuille en ces vacances d'été. Les prix du carburant s'envolent. Plus 11 centimes le litre de sans-plomb 95 E10, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause, la hausse du cours du baril de pétrole qui devrait rester à des niveaux élevés dans les prochaines semaines. Autre fléau de cet été, les fortes chaleurs. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. 16,95 degrés en moyenne à travers le globe selon les données de l'agence européenne Copernicus publiée ce matin. Ça représente une hausse de 0,33 degrés par rapport au record de juillet 2019. Le mois dernier a été marqué par des températures caniculaires et des incendies à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Grèce ou encore en Espagne. Enfin, retirer de l'argent dans son bureau de tabac, c'est l'expérimentation menée depuis novembre dernier chez une vingtaine de buralistes à travers la France. Le dispositif mis en place par la Confédération des buralistes et l'entreprise Loomis arrive à la fin de la phase de test. Selon Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, les retours sont très positifs. Celui des concitoyens et de nos clients d'accéder facilement dans un lieu sécurisé à ce retrait d'argent. Beaucoup d'usagers nous ont fait ce retour de se sentir en sécurité quand ils font une opération de retrait, qu'ils y sont à l'intérieur de l'établissement, ils ne sont pas sur la voie publique, donc cela donne un sentiment de confiance et même pour des personnes âgées, cela est pour eux un gage de sécurité. C'est un point positif complémentaire à notre offre de service. Et la Confédération des buralistes se félicite également de la satisfaction des élus des communes où le dispositif est déjà en place. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Très bonne journée à tous. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo près d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, de fancy fair à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Ah, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel, tournez la terre, tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyez son ambiance musicale, ses flonflons à la française, de fancy fair à la fraise. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ, pour ce moment délicieux hasard, Adamo, MC, Solar, à tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique transportait mélancolie, ses flonflons à la française, de fancy fair à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à languir, sur la digue un petit point parti, dans l'audi de son mari, ah, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser. Quoi pensait-elle que nous sommes éternels, que ça tiendrait bon, qu'à la vie ses leçons, que ça ira bien, qu'elle a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un et me donner un nom. À quoi pensait-elle à tenir bon, quoi qu'il en coûte, quand personne n'écoute et qu'elle répond, je suis pas qu'une mère. j'étais d'accord avec elle. De toute façon, je la trouvais forte. Elle a jamais eu besoin de raison pour partir, pour en aimer un autre. Je serais pas resté non plus, non. Je serais pas resté non plus. À quoi pensait-elle? Qu'elle laisserait ailleurs ce qui grandissait chez elle. On connaît ça par cœur, on les connaît les docteurs, ça finit pas toujours bien. On a toujours une raison pour aimer quelqu'un, bonne ou mauvaise. Y a toujours une raison que ça nous plaise ou non. À quoi pensait-elle? Qu'elle est immortelle, qu'elle est libre de faire ce qui lui semble bon. À ça je réponds, elle me l'a offert, j'ai retenu la leçon. Je n'ai pas besoin de raison pour aller où je l'entends. Elle est partie devant. On se fait tous une raison pour vivre sans. On se fait tous une raison pour vivre sans. Oh, sait quand on l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'ai l'ombre d'un remords. Sur le 95.8 de Fréquence Morvan. pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Taïna Nana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit: monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. C'est vraiment typique, tous les voisins appelaient Taïna Nana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit: monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Savais pas vraiment à quoi elle ressemblait. Y'avait les voisins qui t'avaient dit: cette fille elle est super, mais il faut savoir vraiment lui parler. Quelle douceur dans sa voix et dans ses hanches, t'osais plus rien refuser. C'était les voisins qui t'avaient prévenu qu'elle était vraiment belle. Mon Dieu, quelle courbe, quelle allure. La première fois qu'elle t'a vu dans le patio. Pardon monsieur, essuyez-vous les pieds, comme ça j'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir. Vous écoutez Fréquence Morvan, il est 13h. Fréquence Morvan 95.8, toujours plus près de vous. Bonjour à tous. Allez les Bleus, l'équipe de France féminine affronte en ce moment le Maroc, 8e de finale de la Coupe du Monde de football. La rencontre vient tout juste de débuter. En 4 victoires, les joueuses du sélectionneur Hervé Renard retrouveront samedi en quart de finale le pays hôte de la compétition, l'Australie. A noter tout à l'heure la qualification de la Colombie qui rejoint l'Angleterre en quart de finale. Dans l'actualité également, 5 policiers du raid de Marseille placés en garde à vue sont soupçonnés d'être impliqués dans le décès d'un homme de 27 ans en marge des émeutes dans la cité phocéenne début juillet. Il avait été retrouvé inanimé devant le domicile de sa mère après avoir fait un malaise au guidon de son scooter. À l'origine de la mort, un impact au niveau du thorax. Il pourrait s'agir d'un tir de flashball. Le groupuscule Civitas dans le viseur du gouvernement. Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé la dissolution de cette organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques extrémistes. Décision du ministre de l'Intérieur après des propos jugés antisémites d'un essayiste lors des universités d'été du groupuscule. Gérald Darmanin, qui avait aussi demandé la dissolution des soulèvements de la terre en juin dernier, estimant que ce collectif écologiste était à l'origine d'actions violentes lors des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline, c'était en mars dernier. Aujourd'hui, le Conseil d'État examine le référé des soulèvements de la terre qui conteste leur dissolution. Une enquête ouverte en Moselle après la découverte d'une femme dans une chambre à Forbach, amaigrie, à moitié dénudée et le crâne rasé. Cette Allemande de 53 ans accuse son mari de l'avoir séquestrée et torturée depuis 2000. 2011. L'homme, un Allemand de 55 ans, a été placé en garde à vue. Toutefois, le procureur de Sarreguemines se veut prudent. Aucune trace de torture n'a été décelée pour l'instant par les enquêteurs. Et puis à l'étranger, un dernier hommage à Sinéad O'Connor. Les obsèques de la chanteuse irlandaise décédée le 26 juillet dernier chez elle à Londres ont lieu aujourd'hui au sud de Dublin. Elle est devenue une star planétaire avec le tube Nothing Compares to You écrit par Prince. Sinéad O'Connor avait 56 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir choisis. Fréquence Morvan. Fréquence Morvan. Fréquence Morvan. De mon village, Madame Armand tenait boutique avec une porte qui s'ouvrait dans un petit air de musique. Entre spaghettis, petits pois, de la farine et quelques pommes, elle y vendait des caramels, de la guimauve, des boules de gomme. Elle y vendait des caramels, de la guimauve, des boules de gomme. Quand on avait rentré le bois, eh bien on a pris toutes nos leçons. On oublissait dans une poche la petite monnaie des commissions. On courait chez Madame Armand, mais pas pour lui acheter les pommes, mais quelques petits caramels, de la guimauve, des boules de gomme. Mais quelques petits caramels, de la guimauve, des boules de gomme. Madame Armand prenait le temps quand elle venait servir les gens, et quelquefois dans sa boutique, la main d'un petit garnement. S'égarer au fond d'un bocal pour lui chiper quelques bonbons, elle trouvait ça presque normal, elle avait le cœur bien trop bon. Elle trouvait ça presque normal, elle avait le cœur bien trop bon. Et puis un jour, au firmament, Madame Armand s'en est allée. Elle a ouvert une belle boutique dans un petit coin de la Voie lactée. À l'étalage, un arc-en-ciel de bonbons roses, de bonbons verts, qu'elle distribue sans les compter aux petits anges de l'univers. Qu'elle distribue sans les compter aux petits anges de l'univers. La grande place de mon village, la petite boutique a fermé, et devant la jolie vitrine, il y a un vieux rideau tiré. Du petit bonbon en couleur, de porte qui s'ouvre et qui sonne, mais il y a encore cette odeur de guimauve, de boule de gomme. Mais il y a encore cette odeur de guimauve, de boules de gomme. Fréquence Morvan, avec vous, 24h sur 24. Simple vraiment, qui parle dans la nuit. Son visage est un masque, cette femme-là, elle rit. Je la connais à peine, je la nomme en secret, et sans connaître d'elle son prénom, son pays. C'est une femme vraiment, qui m'est doux de nommer. je l'appelle au futur. Cette femme-là, elle rit. Je m'attache à cette femme et pourtant je sais bien que personne ne peut la retenir toujours. Elle va bien repartir, peut-être bien demain. Elle m'a montré la voie, je la suivrai un jour. Ma sœur, mon amie, mon amante, mon amour, derrière ton visage, je n'ai su découvrir tout ce que tu cachais, les bons, les mauvais jours, tout ce qui est en toi. Cette femme-là, elle rit, et pourtant elle repart de la même façon qu'elle était arrivée. Sans un mot, sans adieu, sans même nos revoirs. Pourtant elle m'a laissé une lettre fermée. Sur l'enveloppe bleue, quelques mots sont marqués. Si un jour tu es triste, que toi aussi tu ris, alors ouvre-la vite, n'attends pas des années. Une adresse est écrite, c'est celle de la femme qui rit. À 90 ans, il vit tout seul à présent. Il fait tout dans sa maison malgré mes interdictions. Il monte encore sans émoi changer les tuiles sur le toit. Déconne pas, papa, si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant. Même à 90 ans, il va cultiver son champ. Mais il aime bien lire aussi en buvant un petit whisky. Sans qu'un temps vrai mort vendio, il fait toujours du vélo. Déconne pas, papa, si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant. Il court toujours dans les bois, il n'a même pas peur du froid. Quand il va aux champignons et pour tondre le gazon. Quand le soleil tape haut, il oublie de mettre son chapeau. Déconne pas, papa, si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant. Jamais l'argent qu'il donne à ses petits-enfants. Il a toujours toute sa tête et toujours le cœur en fête. Parfois quelques trous de mémoire viennent obscurcir cette histoire. Déconne pas, papa, si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant. Déconne pas, papa, si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant, papa. Si tu veux vivre longtemps, va pas tout gâcher en tombant, papa. 95.8, la fréquence du monde. La Sentinelle. Au bord du lac des Sétons sur la rive droite, profitez d'une cuisine traditionnelle avec des produits locaux. Retrouvez également ces viandes charolaises, hamburgers maison, dont un végétarien. Et nouveauté cette année, hamburger à la crème des poisses. Votre restaurant, c'est également un relais motard et repas de groupe avec ses deux salles et sa grande terrasse. Restaurant La Sentinelle, réservation au 03 86 76 02 51, 03 86 76 02 51, ou bien au 06 88 76 49 58. 06 88 76 49 58. Pour cette saison estivale, ouverture de 11h à 22h jusqu'au 31 août. Fermeture les mardis à partir de 16h et mercredi toute la journée. Au Saut de Goulou, bar à bière, resto, brasserie, menu du chef, menu du Morvan, plancher burger. Au Saut de Goulou, privilégie des recettes locales avec des produits en circuit court. Au Saut de Goulou, propose également des soirées-concerts, karaoké, retransmissions sportives et soirées musicales. Ouverture du mercredi midi au lundi soir. Retrouvez également un artisan glacier au Saut de Goulou. Plus de renseignements au 03 86 84 27 84. 03 86 84 27 84 et sur Facebook, Instagram et TikTok. La réservation est conseillée. FCS, entreprise qualifiée RGE Calibat, 9 places de l'Hôtel de Ville à Corbigny. Renseignements au 03 86 20 03 06, 03 86 20 03 06. Le site web www.fcs-58.com. Retrouvez également FCS à Avallon et à Fin-les-Montbard. Votre magasin Weldom à Château-Chinon, 46 route de Nevers, vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à midi et de 14h30 à 19h. À votre disposition, c'est 2000 m² de bricolage et 1500 m² de matériaux avec une équipe à votre écoute. C'est aussi la livraison à domicile de fioul et charbon domestique. Weldom, 46 route de Nevers à Château-Chinon. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 03 86 85 11 40 03 86 85 11 40. Retrouvez votre station de lavage face à Weldom avec mousse active et électropolish brillance extrême. Et pour tout achat de 50 euros au magasin Weldom, un lavage vous sera offert. Profitez-en. Weldom, ensemble c'est mieux. Le camping Les Soulins, situé à la queue du lac de Pansières, sur la commune de Corancy, vous accueille du 1er avril au 1er novembre. Le camping vous propose des concerts gratuits tous les mardis, jeudis et dimanches soirs de 19h à 22h, ainsi qu'une restauration snack tous les jours de l'été. Le petit snack des Soulins vous propose un large choix de salades, brochettes, frites et des soirées pizza le jeudi soir et dimanche soir lors des concerts. Le bar, ouvert tous les jours de 8h à 22h, vous propose des bières artisanales, glace bio et une épicerie de produits locaux. Le camping Les Soulins, c'est aussi la location de kayak, paddle et vélo à assistance électrique. Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez joindre le camping Les Soulins au 03 86 84 47 52, 03 86 84 47 52 ou par mail campinglessoulins@gmail.com. Camping Les Soulins, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles. Le mardi 15 août, Jammers Rock Funky Groove. Et le jeudi 17 août, The Wave Rock. 95.8, la fréquence du Morvan. Fréquence Morvan, bonne journée à vous. Ce matin quand je me suis réveillé, ma femme avait laissé un mot sur l'oreiller pour me dire qu'elle était partie chercher des croissants à la boulangerie. J'ai un bon petit boulot, pas de patron sur le dos. Je travaille pas beaucoup et je me lève jamais tôt. Vous allez me dire alors, où est le problème? Bah, pour chanter le blues, je suis pas crédible, mais c'est la seule musique que j'aime. Ça me désespère. Non, ne chante pas le blues qui veut, mais ça me rend si malheureux que du coup le chanter, je peux. J'ai pas fait la route avec ma vieille guitare. J'ai toujours échappé à la police et je prends rarement le coup dans des bagarres. Je deviens tout gentil quand je bois de l'alcool. Et mes enfants ont même des bonnes notes à l'école. Non, ne chante pas le blues qui veut. Ça me désespère. Mais ça me rend si malheureux que du coup chanter ce blues je peux. Le blues de l'homme qui n'a qu'un problème, pas deux. Il y a une musique dont il est amoureux. Et pour la jouer, il voudrait être légitime un peu. Mais écoutez la fin de mon histoire. L'autre jour, j'ai découvert que mon meilleur ami couchait avec sa propre femme. Non! Ne chante pas le blues qui veut. Ça me désespère. Et ça me rend si malheureux que du coup enfin chanter, chanter mon blues je peux. Chanter mon blues je peux. Je peux. Voilà, c'était mon petit blues amusant, mais pas que. Pour vous dire en passant juste une chose ou deux, qu'on arrive toujours à ses fins si on veut. Suffit d'être malin un tout petit peu. Suffit d'être malin un tout petit peu. Moi je ne l'étais pas. Pour ce garçon affable, il n'était pas pour moi. Il portait à son cou un tatouage baroque. Des filles en mal d'amour, des colliers, des breloques. Ah, quand il vous regardait, vous donnait le vertige. Ah, ah, ah, ah, s'il vous avait aimé, vous aurez rendu. Il chantait dans un bar des chansons romanesques. Puis il rentrait très tard, écumait son ivresse. Tout seul au creux du lit et couchant sa tristesse. L'eau de rose perlette, un amour de jeunesse. Ah, quand il vous regardait, vous donnait le vertige. Ah, ah, ah, ah, ah, s'il vous avait aimé, vous aurez rendu. Un soir, lors je sortais de ce café tranquille. J'avais l'esprit des fées et les rêves fragiles. Par bonheur, j'ai croisé sa peine et son délire. Là suffit d'un baiser pour conjurer le pire. Ah, quand il m'a regardé, m'a donné le vertige. Ah, ah, ah, ah, s'il m'avait aimé, il m'aurait rendu. Il m'a regardé, m'a donné le vertige. Ah, ah, ah, ah, ah, s'il m'avait aimé. d'amour. Fréquence Morvan, c'est en FM, la radio qu'on aime. De tes rêves, créateur de tes intentions, mais c'est aussi moi qui crève les bulles de tes illusions. Faiseur de tes rêves, créateur de tes intentions, mais c'est aussi moi qui crève les bulles de tes illusions. On m'appelle le destin, certains me nomment le hasard. Peu m'importe ce que tu penses, peu m'importe ce que tu penses. Tiens ta vie bien en main, je tiens bien ta vie en main. Tu as des rêves de grandeur et je te laisse t'envoler. Tu as des rêves de fureur et je te laisse t'emporter. Parfois, tu voudrais dominer le monde et je le mets à ta portée. Tu voudrais ne rien faire, je t'offre le temps écoulé. Parfois tu redescends sur terre et tes rêves se font petits, mais c'est toujours moi qui décide si tu as droit à tes envies. De tes rêves et je pourris tes lendemains, mais c'est aussi moi qui lève les obstacles de ton chemin. L'essentiel en musique sur Fréquence Morvan. Chasser le sort, les heures et les consonnes s'affolent de sombres écorces. Mon cœur et son armure s'étiolent. Les amours à l'eau. 8, la fréquence du moment. Fréquence Morvan, la voix d'une région. De toi à moi, il y a des couleurs, des fleurs de soie naissant autour d'un cœur. De toi à moi, tu tisses les fils de ma vie. Un point de croix, ta beauté brode mes nuits, brode mes nuits. De toi à moi, ta lumière me fascine. Ma rime se bat, pastel cristalline. De toi à moi, tu réveilles ma plume qui brûle pour toi comme bougie qui se consume, qui se consume. De toi à moi, ta broderie est en prose, patchwork de joie où le bonheur expose. Toi à moi, tu files mes beaux sentiments, tu exprimes ainsi tout ton talent, tout ton talent. À moi, tu es ma renaissance, lueur de toi, embrase mon existence. De toi à moi, l'amour file au fuseau, entre tes doigts. Le soleil est plus beau, le soleil est plus beau. You know it smells funny, got a public enemy. So many cases of my rage back in the case. Doctors and nurses and the paperwork crisis. Contaminated innocence by teeny weeny enemies. Step ahead, the king of food. You know it smells funny, got a public enemy. So many cases, I'm outraged, back in the cage. Doctors and nurses and the paperwork crisis. Contaminated innocence by teeny enemy. People from the east and the people from the west. All you zombies, hide your faces, doctors get no rest. Can we kill the beast, getting rid of the pests? All you zombies, round one, step ahead, the killer flu. Over the planet, the echoes were heard. Like a sound Jupiter like in orbit. Run for your suburb. Trump a flying president speech, looking for a savior. In these dirty streets, better change my behavior. Five people from the east, people from the west. All your zombies hide your faces, doctors get arrested. Jeff will kill the beast, getting rid of the pests. All your zombies run one step ahead, they kill the flu. The danger never sleeps, it's giving me the creeps. Just like the Spanish flu right after World War II. You blossom like a tree, got started World War III. You kill the poor, you kill the rich, bitch. Fight. Yeah, boy.